acteurs de la scène blues se donnent rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Bonsoir Francis. Bonsoir Cédric. Alors figure-toi que nos premiers invités, il a fallu plusieurs mois tout de même au fin limier du Blues Café pour savoir d'où venait cette formation, fort discrète d'ailleurs, et découverte au détour d'un morceau sur internet, mais que notre enquête a permis de localiser. Ils sont de Lyon. Tout près d'ici, Francis, et leur nom est déjà un mystère. Automatic City, allez savoir pourquoi, on leur demandera d'ailleurs. Mais leur musique est encore plus étonnante, mélange de blues roots, de gombo louisianais et de rhythm and blues vintage sur fond d'originalité instrumentale. C'est tout un programme. Absolument, et alors il n'y a donc plus qu'à plonger dans le son étonnant de ce groupe avec Éric Dupéret, chant et guitare. Emmanuel Mercier à la guitare. Raphaël Valade à la contrebasse. Et Arnaud Laprès aux percussions, mesdames et messieurs. Automatic City. I'm drinking out all night long, trying a baby away from home. Please, pretty baby, give me one more chance. No, I love you, wanna be your man. Crying and pleading, wanna do you no good. Come back, baby, I wish you would. Bonsoir le Blues Café. Ne changez rien, vous êtes dans le Blues Café Live avec ce soir Automatic City. Merci beaucoup. Nous sommes ici en direct du Millennium de l'île d'Abo et ce soir nous recevons le groupe Automatic City. Ils viennent de sortir leur deuxième album sur lequel on peut retrouver ce Crawfish, extrait du film King Creole avec Elvis Presley, comme me l'a rappelé il y a quelque temps Gérard, que l'on salue. Voilà, l'album s'appelle Bongos et Tremolo. Il a été publié en mai dernier. Bienvenue. Bienvenue. Alors avec nous, Eric et puis Emmanuel. Il n'y a qu'un micro pour deux, donc vous échangerez de temps en temps en le rapprochant bien de vous. Alors tout à l'heure, je disais que vous étiez dans une discrétion absolue. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à vous trouver. Hein. C'était voulu, cette discrétion ? Oui, on aime être caché. Ouais. Là, c'est loupé. Oui, c'est loupé. C'est assez difficile pour nous de se retrouver devant autant de monde. Mais non, on aime rester discret. Alors c'est raté, doublement raté, parce que cet album Bongos and Tremolos, on peut dire qu'il a déjà fait un beau démarrage. Et en tout cas, il vous a permis d'être signé sur une agence de booking qui est très connue en France, qui s'appelle On The Road Again. C'est une nouvelle étape, j'imagine, dans votre parcours. Ça signifie quoi pour vous, après déjà, enfin, seulement deux albums, d'être signé comme ça dans une agence de booking aussi renommée que celle-ci ? Eh bien, d'abord, c'est un grand plaisir. C'est un honneur de voir que les disques qu'on a fait un petit peu dans notre cabane, puissent plaire à des gens, et puis qu'on puisse avoir l'opportunité d'aller défendre le disque sur scène ensuite. Donc, c'est une belle étape, quoi. Le premier album était sorti en 2016. Donc, le groupe a combien d'années d'existence au final ? Comment vous vous êtes créé, les Automatic City ? Il a 3 ans d'existence. Pardon. Il a 3 ans d'existence. Ben au départ, c'était j'avais envie de monter un projet blues et j'ai contacté Eric, que je connaissais via d'autres projets, pour qu'on fasse ça ensemble. Et puis voilà. Et puis finalement, je connaissais déjà Raph, Eric aussi. Et puis on a joué avec Zaza, qui n'est pas là aujourd'hui, dans un autre de nos projets. Et voilà, c'est alors aussi simplement que ça. Il faut dire qu'il y a deux percussionnistes en fait dans votre groupe, en alternance, mais peut-être aussi ensemble dans l'avenir, allez savoir. Donc on a un O qui est absolument fabuleux, on vient de l'entendre, mais aussi un Brésilien qui s'appelle Zaza, et qui joue dans d'autres groupes de jazz, hein, je crois, et qui était pris ce soir, mais qui continuera à jouer avec vous. Alors, le style d'Automatic City, on l'a entendu déjà un peu, c'est du blues, des racines, mais avec quand même une belle originalité, notamment dans l'orchestration, parce qu'il y a ces percussions, on vient de le dire, bon, guitare acoustique, guitare électrique, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on entend sur le disque, pas forcément toujours sur scène, peut-être pas. Alors, cet instrument qui s'appelle Theremin. Ah, je l'ai vu, aussi, vous allez lui, il est là. Il y a parfois du sitar, il y a des bouteilles de quoi d'ailleurs ? Bon, d'accord. Alors, Arnaud a remplacé les bouteilles par plutôt une batterie cuisine, on va dire, mais c'est plus métallique. Mais, voilà, on n'avait pas de bouteilles. C'est vrai qu'on a accordé les bouteilles pour enregistrer le disque par rapport au morceau, donc on a dû boire. Les bouteilles pour trouver la bonne note. Bon, alors cette formule quand même assez originale, finalement, elle vous est venue d'où ? D'une expérience précédente ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire ou apporter justement au blues, parfois classique, avec toutes ces percussions et ce style, et la voix aussi ? Oui. Bah on a essayé, en fait, c'est une musique qu'on aime tous depuis longtemps. Et on l'a joué déjà dans pas mal de contextes, un petit peu de manière plus classique, on va dire. Et c'est vrai qu'avec ce projet, on avait envie d'apporter quelque chose de nouveau, de plus frais dessus, qui est peut-être un petit peu moins fait, mais qui existe aussi pas mal aussi déjà dans l'histoire. On écoute pas mal de musique latine, de musique de plein de pays, quoi. Enfin, qui ont déjà beaucoup de percussions. Et finalement, en fait, on retrouve des liens dans toutes ces musiques-là, dans le monde entier, quoi. Et c'était pas si compliqué finalement d'adapter cette musique américaine avec des percussions qui venaient d'autres pays. Mais on va les chercher dans... Enfin là, je fais des morceaux avec des tablas, enfin on va chercher des percussions de partout, quoi. Et ça fonctionne très très bien, et ça amène quelque chose d'autre. Il y a un petit côté vaudou, justement, dans cette musique. Quand j'ai écouté votre disque, il y a un nom qui m'est venu assez vite à l'esprit, c'est Willie DeVille. Oui. C'est une référence pour vous ? Oui, toutes les musiques de la Nouvelle-Orléans, évidemment, parce que la Nouvelle-Orléans, comme chacun le sait, c'est un melting pot d'influence musicale du monde entier. Et Willie DeVille, oui, bien sûr, et pas mal d'autres aussi. Dr. John, notamment, Dr. John, effectivement. Oui. Voilà. Puis il y a aussi quand même les bluesmen traditionnels, Johnny Hooker, Howlin' Wolf, parce que vous reprenez un morceau de Howlin' Wolf. Aussi du R.L. Burnside, avec cette atmosphère bien particulière, hein, du Mississippi. Oui. Et puis aussi Tom Waits, je trouve. Il y a un petit côté Tom Waits. Oui. Effectivement, Tom Waits, je ne vais pas y arriver. Tom Waits, c'était quelque chose qui m'a pas mal influencé quand on a commencé à enregistrer le premier disque. Donc, et puis je pense que c'était un truc qu'on avait en commun tous les deux aussi. Alors quelle période de Tom Waits? Parce qu'il y a des... Il y a eu des périodes un peu plus déstructurées que d'autres, on va dire. Alors je suis plutôt période déstructurée, mais bon, plutôt Ren Dog ou des trucs un peu plus récents. Voilà, mais plutôt moi plutôt période Ren Dog. Voilà, où il y a déjà pas mal de percussions, des trucs avec des, un peu des bouteilles aussi. Donc c'est, effectivement, c'est assez. Ça fait partie de nos influences. Mais après, elles sont assez larges, nos influences, hein, de toute façon. Alors, puisqu'on parle des influences, on peut citer aussi quelques reprises sur votre album. Il y a des compos, il y a aussi quelques reprises. On peut croiser notamment Little Walter avec le Mellow Down Easy, ou Francis l'avait dit tout à l'heure, ce Going Down South, qui est un titre absolument entêtant de R.L. Burnside. Comment se fait le travail de compo, de choix des reprises? C'est assez dur en fait, parce que tout marche pas, on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps, tout marche pas dans la réadaptation, où il y a des trucs qu'on se rend compte quand on commence à les faire, que ça fonctionne pas avec la voix, avec plein de trucs. Donc on choisit des titres et puis on essaye. En fait, il y a un truc aussi dans les deux albums, c'est qu'on a choisi des morceaux avec un seul accord. C'est plus pratique souvent, hein. Voilà. C'est vrai. C'est plus facile. Toujours quand même, mais c'est plus simple. Mais c'est peut-être aussi ça qui donne cet aspect un peu hypnotique et envoûtant. Voilà, je pense que c'est une explication aussi de ce côté-là, parce qu'on peut se permettre pas mal de choses du coup, vu que ça change pas d'accord et qu'on n'est pas sur une grille classique. Donc du coup, on peut expérimenter aussi beaucoup plus facilement. Alors, second album, on y reviendra tout à l'heure sur cet album, parce qu'il y a beaucoup plus d'arrangements, de travail hein, sur ce second album. Bongos and Tremolos, un nom parfait pour ce que vous faites. Hein. Des bongos, c'est tout l'aspect percussion. Tremolos, vous le traduisez comment pour vous? C'est l'effet que j'utilise pas mal à la guitare, qui module la... Je ferai une démonstration tout à l'heure. Bien, je ferai une démonstration. Voilà. On va vous demander de regagner la scène. Cette émission est enregistrée en public, comme vous allez pouvoir le constater. Et l'entrée est libre et gratuite. Voilà, nous recevons ce soir le groupe Automatic City qui vient de nous parler de leur deuxième album, Bongos et Tremolo. Mais on va peut-être aussi parler du premier. C'est vrai, Cédric, qu'avant un second album, il y en a eu un premier, ce qui est incroyable d'ailleurs. Voilà, c'est souvent le cas, tu as raison. Hein. Eric, ce premier album s'appelait One Batch of Blues. Alors déjà, tu veux nous dire ce que ça signifie? Pas le mot blues, on sait. Hein. Ben juste une première livraison de blues, tout simplement. Donc, c'était en effet, c'était bien le premier album, mais le second aurait pu s'appeler Seconde Livraison. Oui, c'est ça. Seconde Batch of Blues. Bon, en tout cas, le premier, pour avoir écouté naturellement les deux, je trouve que le premier est beaucoup plus roots presque, c'est-à-dire peut-être moins d'effets. Derrière, vous amusez un petit peu moins avec les sloops et tout le reste. Plus dans l'énergie brute, est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, même ce premier disque, c'était même presque une démo pour trouver des concerts, en fait, au départ. Donc on l'a enregistré vraiment avec quelques 3-4 micros, live, une prise, et c'était vraiment la volonté de faire quelque chose de très simple, de très roots, de très brut. Voilà. Et déjà, beaucoup d'hommages et de clins d'œil à vos légendes, on va dire. Il y avait beaucoup de reprises, que des reprises d'ailleurs, sur cet album. Willie Dixon, Howlin' Wolf, on en parlait tout à l'heure, Muddy Waters. Exactement. Bah oui, c'était un petit peu le... Enfin, c'était les pères fondateurs de cette musique, évidemment, et de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait commencer, de le lancer, même si on évolue petit à petit. En tout cas, c'est notre point de départ, en tout cas. Et la compo, comment c'est venu alors, du coup? Pourquoi pas de compo sur ce premier album en 2016? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous n'aviez pas forcément à l'époque l'envie ou l'idée ou la volonté de faire de la compo? C'était pas l'envie, non. C'était pas l'envie. L'envie, c'était l'envie de jouer ça de manière brute, de manière... vraiment la plus simple possible, avec très peu d'effets. C'était vraiment de trouver un style un petit peu de son très brut. C'était ce qu'on voulait faire. Donc il n'y avait pas spécialement besoin de créer des morceaux pour ça. Il y a déjà tellement de morceaux extraordinaires qui existent. Donc on ne s'est pas senti le besoin d'en faire nous-mêmes pour l'instant. Quoi. Alors ce premier album s'appelait One Batch of Blues. Et nous avons la chance d'avoir à côté de toi Marina Davio. Je vous demande d'applaudir parce que Marina, d'abord, c'est la chargée de presse de cette grosse agence de booking nommée On the Road Again. Vous êtes toute une équipe, tu peux passer peut-être le micro à Marina, une équipe qu'on connaît bien et qu'on apprécie bien. Marina, aussi, tu as eu la gentillesse, tu habites Angers et tu viens faire l'aller-retour pour voir le groupe et puis parler avec nous. Merci. Je crois que c'était surtout pour nous voir, nous, Francis. Surtout. Je pense que c'était pour nous voir, ouais. Bon, Marina, on parlait du premier album d'Automatic City. Comment as-tu découvert, toi, ce groupe? Est-ce que c'est sur ce premier album? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'ils avaient su rester très, très discrets. Oui, alors non, c'est pas sur le premier, c'est sur le deuxième. Parce qu'Emmanuel Mercier, qui est ici même, a démarché des bookers, des agences de booking. Et puis avec Aurélie, qui est ma boss, que je salue si elle nous écoute. Elle nous écoutera peut-être en replay. Voilà. Elle nous envoie régulièrement des liens d'artistes. Bon, elle, dès qu'elle aime, elle nous envoie pour qu'on écoute et pour qu'on donne nos avis. Et avec Stéphane, qui est le deuxième booker, parce que moi, je fais que de la promo, je suis qu'attachée de presse dans On the Road Again, il y a deux bookers. Et il y a une régisseuse, Marie, que j'embrasse aussi, et Steph aussi, hein, je t'embrasse. Et ça a été un véritable coup de cœur. Et pourtant, on savait que ça allait être un peu compliqué parce que justement, c'était très discret comme formation pour l'instant. Donc, on a tout à faire, mais on avance dessus. J'espère que ça va monter au fur et à mesure et qu'on va réussir à travailler main dans la main, booking et promo. Voilà. Parce qu'il faut dire que vous avez plutôt dans votre catalogue des grosses pointures. Ah oui. Tu peux peut-être en citer quelques-unes. Mighty Moe Rogers, Sugar Ray Ford, Cyril Neville qu'on a eu avec le Royal Southern, on a Mike Zito. On a un roster qui est à 90% de bluesmen américains, donc et généralement des bons, très très bons. Donc c'est plutôt valorisant pour Automatic City de rejoindre un catalogue comme ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis une fan à la base du Delta Blues aussi, donc de tout ce qui est Skip James, les Blind Willie, etc. Donc quand j'écoute ça, et en même temps, Automatic City, je trouve, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça très moderne aussi. Alors que ça a un accent très vintage. On est d'accord. Moi, j'adore ça. Et avec Steph, notamment, le booker, on a vraiment adoré. Et on s'est dit, y a rien, il y a tout à faire. On va travailler dessus. Et voilà. Marina, quand on prend un jeune groupe comme ça, et par rapport à tous ceux qui existent dans l'écurie, On the Road Again, c'est qu'on va faire du développement. Comment on s'y prend ? Eh ben c'est compliqué, je vais pas vous dévoiler toutes les stratégies. Si. Moi j'entame un peu de promo pour que ça aide pour le booking et le booker il va trouver des dates qui va peut-être m'aider ensuite pour la promo. Voilà, on essaye de se nourrir. Là on en est au balbutiement parce que ça a été signé que avant l'été. Donc c'est court. Et voilà, enfin, après, le développement, c'est quand même à moyen terme, long terme. Je trouve ça... Enfin, moi, j'adore travailler avec Mighty Moe Rogers, j'adore travailler avec Sugar Ray Ford, etc. Ça, c'est un autre challenge. Je trouve ça bien. Et je trouve ça bien qu'on ait des groupes français aussi sur le territoire qui savent défendre le blues. Et puis, moi, quand j'entends dire que le blues est mort, non, il n'est jamais mort. Enfin, quand il revient... Je dis, mais il n'est jamais parti, en fait. Non, il ne mourra jamais. Donc, à un moment, voilà. Merci, Marina. Alors, je voudrais quand même rappeler simplement deux choses. C'est que pour ceux qui nous suivent et ceux qui viennent à la Blues Party, souvenez-vous de Torbjörn Risegger et de Guy Verlin. Eh bien, ce sont des artistes qui sont dans le catalogue de On the Road Again et bien d'autres encore, et certainement d'autres que vous verrez dans les Blues Party prochaines, je l'espère. Et puis, un deuxième point, Marina, parce que tu n'es pas une inconnue, c'est qu'avant de rentrer dans cette belle agence, et nous embrassons Aurélie, Stéphane, Marie et compagnie, tu manageais un duo qui existe toujours, qui s'appelle Catfish. Je faisais la promo, j'ai fait le développement de Catfish. Voilà. Et Catfish, vraiment depuis le début, ils n'avaient que 4 mois d'existence. Et qui est pratiquement une formation qui a ouvert le Blues Café ici au Millennium. Il y a un petit moment maintenant. Et ils étaient venus ici. Vous écoutez bien le Blues Café, c'est la soirée des bisous. Merci. Ce soir. Merci. Avec Marina et Automatic City qu'on va retrouver tout de suite sur scène pour nous jouer cette fois après en avoir très bien parlé, surtout Marina, on n'est pas attaché de presse pour rien, vous l'avez remarqué, de cet album Bongos and Tremolos. Nous sommes toujours ici au Millennium de l'île d'Abo et toujours un grand merci à toute l'équipe du Millennium, toute l'équipe technique, ainsi que la ville de l'île d'Abo qui nous accueille et qui nous permet de faire vivre, justement, puisqu'il ne meurt jamais, le blues ici. Automatic City. Oh! has mine. Still say she has mine. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. Automatic City sont nos invités ce soir dans le Blues Café Live. On remercie au passage le temps de leur permettre de nous rejoindre. On remercie au passage l'équipe de T&Bo qui est présent et qui vous permet surtout de retrouver cette émission en vidéo. Et on remercie également le studio Magneto qui sont tous les deux nos partenaires à nouveau pour cette nouvelle saison et qui assurent le mixage de cette émission. Studio Magneto à Lyon. Exactement. Comme tu l'as dit. Alors, on retrouve Eric et Manu, et puis on va aller en deux, trois mots parler de ce nouvel album, Bongos and Tremolos, très évocateur, on l'a dit, avec une petite plongée dans les Caraïbes. Moi, j'ai trouvé aussi, ça manquait dans le premier, ça. Oui, complètement, ouais. On a voulu aller un petit peu au soleil. Entre deux ouragans. Oui, c'est ça, c'est pas trop le moment en ce moment. Mais... Non, c'était vraiment l'idée, et pour ainsi dire, on avait même trouvé le. le nom de l'album avant de le faire. Donc ça a donné la direction artistique tout de suite. Justement, tout à l'heure, je disais que pour le premier, il y avait cette forme d'énergie un peu brute. Je trouve que le second est quand même beaucoup plus travaillé, plus léché, dit-on, plus produit peut-être aussi. Non, on en a dit deux mots tout à l'heure. C'est une volonté aussi d'arriver à la perfection. Exactement. On y est presque, mais il y a encore un peu de chemin à faire. Ben, je ne sais pas, je laisse la parole au producteur, mais c'est vrai qu'on est resté sur des méthodes d'enregistrement assez simples, mais on a plus produit. Donc en fait, on l'a enregistré finalement un peu pareil que le premier, si ce n'est qu'on a changé, j'ai déménagé entre-temps, donc j'ai changé de salon. Donc c'est pas le même salon que sur le premier disque. Il est plus grand, il y a plus Il est plus grand, exactement. Ben, dis donc, pour le troisième disque, il va falloir acheter quoi, un château ou... Bah, peut-être que ce sera encore un autre endroit, effectivement. Ouais. Il y aura peut-être une piscine, on ne sait pas. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde votre livret, c'est qu'on y croise des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le blues. On parlait tout à l'heure du ou de la Térémine. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Térémine, ouais, je crois. Si. On y voit des noms de percussions un peu étranges et on y voit même un stylophone. Alors j'avais un peu l'impression d'être dans Gaston Lagaffe et puis de retrouver le gaffophone. Qu'est-ce que c'est que le stylophone ? Le stylophone, alors c'est un instrument qu'on va entendre sur le morceau juste après. C'est un espèce de. On l'entend sur un morceau très connu qui est Space Oddity de David Bowie. D'accord. Où il y a l'espèce de thème de synthé qui est joué sur le stylophone en fait. Et je sais pas, il y a un morceau, j'entendais pas un solo de guitare, dans ce qu'on avait fait, et je cherchais un son, mais je voulais pas un son de synthé analogique que tout le monde connaît. Et je suis tombé là-dessus par hasard, et j'ai acheté en fait ce stylophone comme ça. Je sais pas jouer de clavier du tout, donc du coup c'est un peu bizarre comment on le joue en fait. Et voilà, c'est comme ça que le stylophone est arrivé dans le disque. Le Térémine, il y en avait déjà un petit peu dans l'album d'avant. Voilà, ben moi j'aime bien tous les sons ou toutes les BO genre science-fiction des années 50, choses comme ça. Donc voilà, d'où l'idée du Térémine après qui a été popularisé par Led Zeppelin aussi dans les années 70. En tout cas, moi ce qui m'influence c'est plus, c'était plutôt les BO des années 50 où il y a du Térémine. Alors il y a des petits trucs dans ce disque qui sont... un peu rigolo, par exemple, il y a des petites virgules, je ne sais pas comment vous appelez ça, des petites virgules des musicales. Ouais. Oui, de 41 secondes, je pense à Moonshine Tong. Pourquoi ? Parce que le disque n'était pas assez long, il a fallu boucher ou c'est... Ouais, non. Oui. Non, en fait, on a fait un petit peu des petites jams, des choses comme ça, et cherchait un peu un fil conducteur entre les morceaux. C'est vrai que... Alors, je vais citer une référence, mais quand j'ai bossé un peu sur le disque, j'écoutais beaucoup Gris-Gris de Dr. John. Voilà, et puis je sais pas, c'est avec ça, avec d'autres disques aussi, de trucs. Puis j'aime bien tout ce qui est. J'aime bien les petits instrumentaux comme ça, en fait. Donc, mais là aussi, du coup, c'est peut-être une façon, mais peut-être inconsciente, mais de justement de faire quelque chose qui est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, où justement les albums sont relativement formatés. Cet interlude, il n'est pas simplement entre les morceaux, vous attaquez même là-dessus, oui. Sur un morceau comme ça. Oui, la première interlude, c'est effectivement Zaza qui s'amusait avec ses baguettes, et moi qui est passé dans mon écho qu'on a entendu tout à l'heure, et qui est fait... qui a fait cette interlude-là. Quoi. Alors Zaza, c'est l'autre percussionniste, voilà, l'autre percussionniste d'origine brésilienne. Voilà. Et il y a aussi des morceaux samplés hein, dans cet album, notamment le More Spaced in the Sticks, et avec une voix qui semble venir d'outre-tombe, mais d'où l'avez-vous récupéré c'est cette Fred voix-là. McDowell. Fred McDowell. C'est issu d'un... Donc vous lui avez piqué sa voix, vous avez été le rechercher. Je suis allé chercher dans un film libre de droit. Je suis allé prendre sa voix, pardon. Et voilà, et je sais pas, je cherchais quelque chose pour démarrer le morceau, et voilà, je suis tombé là-dessus. Il y a un clin d'œil également à Chuck Berry. Ouais. Avec ce morceau Havana Moon. Ah bah oui, parce que c'était on l'a fait avant qu'il disparaisse. Ah, c'est pas à cause de ça. Non. C'est tombé à ce moment-là, mais c'est un morceau que j'aimais particulièrement parce que voilà, c'est un aspect de Chuck Berry qui est un petit peu moins peut-être un petit peu moins connu. Oui, moins rock'n'roll aussi. Moins rock'n'roll, voilà, et qui plus, du coup plus cubain. Plus cubain, et voilà, et qui collait tout à fait avec le projet qu'on avait. Donc je trouvais qu'il avait là tout à fait sa place. Donc voilà ce choix. Pourquoi ce choix ? Alors cet album s'appelle Bongos and Tremolos. Il est à peine sorti. Je crois savoir que vous travaillez déjà sur un troisième album. Je me trompe ? Oui, oui, on y était hier. Oui. Ben, ça va s'enchaîner. Donc, on n'a même pas le temps d'écouter le second que le troisième. Mais alors oui, on va prendre du temps. On va prendre du temps. D'accord. C'est un début. Est-ce que ça va être encore un album encore plus produit? Dans un salon encore plus grand. Dans un salon plus grand, on a avec deux percussionnistes, voilà. J'ai cru savoir qu'il y aurait peut-être les deux. Arnaud travaille également sur le disque. Mais est-ce que vous les mettrez les deux ensemble? Ensemble, absolument. Oui, ils ne se battent pas. Oui, oui. Donc pour l'instant, ça va, ça se passe bien, mais c'est le début. Donc, et sur scène, on peut imaginer qu'il y ait aussi les deux percussionnistes? Ça peut s'imaginer. Ça peut s'imaginer. On commence à l'imaginer. Puisqu'on parle de scène, est-ce qu'il y a des projets de belles scènes qui sont devant vous? Je ne sais pas si on peut déjà il y a déjà des choses qu'on peut. Oui, il y a des options. Tout dévoiler ici, on est entre dévoiler, nous. Dévoiler, c'est vrai. Oui, si entre nous, on est entre nous. Ah oui, on va jouer à Oraison d'abord, d'accord. Bientôt. Oui, j'ai le bon déjà, cours. Ça, c'est du. Je peux le dire parce que c'est du. Non, c'est pas. Non, c'est pas vrai. Non, ça, tu peux le dire. Bon, on rentre dans des domaines. Pas, beaucoup, voilà. Après, c'est contractuel. J'aurais pas dû poser cette question. Alors, du coup, vous allez jouer puisque visiblement, vous êtes là aussi pour ça et pour parler de cet album Bongos and Tremolos. Mais juste avant, on va écouter encore une petite respiration musicale avec un nouvel album de quelqu'un qui n'arrête pas puisqu'il a 72 ans, il vient de sortir un tout nouvel album, 37e album, et je veux parler de Van Morrison, un nouvel album dont l'annonce a été un peu cafouilleuse puisqu'on voyait sur la pochette un catcheur, voilà, qui s'appelle Billy Two Rivers, un catcheur de 82 ans, aujourd'hui retraité des rings, et l'ancien sportif, quand il a vu qu'il était sur la photo de l'album de Van Morrison, a porté plainte. Et du coup, la maison disque a modifié illico presto la pochette et on y voit maintenant une scène de boxe. Voilà. C'est un peu dommage, je pense qu'il aurait dû attendre que le disque sorte pour porter plainte. Je pense qu'il en aurait retiré beaucoup plus d'argent. Et c'est un album, on le disait tout à l'heure, encore avec des guests assez prestigieux. Oui, au moins trois guests, Chris Farlow, Georgie Fame et Jeff Beck. On écoute Too Much Trouble avant de retrouver Too Much Automatic City sur la scène du Blues Café Live. Takes me away for a while, it takes me away. Well, for a while I can't even pray. Well, for a while I can't even smile. I've got too much trouble in my mind. When I lay down at night, I can't really sleep. When I get up, I don't want to eat. I always feel too extreme. Too much trouble in my dream. When I go to work, well, it just ain't right. Feels like everything's a fight. Feels like it's too uptight. Too much trouble in my life. If I could just get some real good rest, might be able to do it again. Straighten up and fly right. Stop this trouble in my with it. Stop this while I get the sign. Too much trouble in my mind. If I could just get some real good rest, might be able to do my best. Straighten up and fly right. Stop this trouble in my life. Stop. Stop. Stop. Stop, stop, stop, stop, stop this trouble in my life. Ils sont venus pour nous parler de ce nouvel album Bongos and Tremolos, mais aussi pour le jouer sur scène. Tout de suite au Millennium, il y a Automatic City. Automatic City et le stylophone qu'on a pu entendre, ils sont sur la scène du Blues Café Live. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo, 100% blues. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était le Blues Café Live ce soir avec Automatic City. Leur album s'appelle Bongos and Tremolos et on vous invite vraiment à l'écouter. Merci beaucoup à toute l'équipe technique du Millennium de l'île d'Abo. Merci à Tienbo au studio Magneto et on se donne rendez-vous, Francis, le mois prochain avec un groupe cuivré. Groupe cuivré, comme tu dis exactement, avec le Jersey Julie Band. Merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao. On laisse la scène à Automatic City pour un dernier titre. Et on se donne rendez-vous sur le www.bluesactu.com. Ciao, ciao. I'm going down south.